Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbanger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est à la fois en avance et à la fois en retard, parce que du coup les émissions en direct, on fait en sorte de les mettre le moins tard possible, donc au lieu de commencer à 21h, on commence à 20h, ce qui nous permet d'avoir un créneau de 2h30 jusqu'à 22h30, et un petit peu en retard, parce que du coup on était un petit peu à la bourrasse pour lancer l'émission, mais bon, on est là, on est présent en direct dans les studios de Radio Béton. Et on a plein de choses à s'écouter pour les 2h30 à venir. Une pléiade de nouveautés, une dix-douzaine de nouveaux noms qu'on rentre dans la playlist de ce soir. Trois focus dispensés de nouveau par l'ami Thibaut. Et puis bah voilà, donc bienvenue. Et on attaque tout de suite avec une doublette de vieux qui font du nouveau et de nouveaux qui font du vieux. À savoir tout d'abord Crowbar, les vétérans du Sludge venus de la Nouvelle-Orléans qui nous sortent un nouvel album studio. Grosse discographie hein, pour le groupe qui a sorti son tout premier album bah, il y a 30 ans en fait. Zero and Below, c'est le nom de ce nouvel effort studio pour Crowbar. On est toujours sur du sludge avec des tempos parfois qui sont bien accélérés, qui sont très hardcore et à la fois des mélodies vachement travaillées. Puis moi je trouve que Kirk Kunstein, il a une voix éraillée et en même temps hyper mélodique et chantante. Enfin voilà, c'est très très paradoxal ce que peut nous proposer Crowbar et c'est toujours très qualitatif. Et ensuite les jeunes loups de Schizophrenia, la formation belge qui nous fait du HDS à l'ancienne. J'ai pris le temps de l'écouter cet album, il y a quand même pas mal de mélodies dans les guitares, donc c'est vrai que dans l'ensemble ça rappelle vachement bah bien sûr les premiers Sepultura hein. C'est pas pour rien que le groupe porte ce nom là et en même temps voilà, il y a des petites mélodies qui enrichissent un peu l'ensemble. Schizophrenia Recollection of the Insane, les deux albums Crowbar et Schizophrenia sont déjà dispo. Crowbar Bleeding from Every Hole et Souls of Retribution du nouvel album de Schizophrenia. C'est parti et bienvenue dans l'émission. We'll be right back. On enchaîne avec une excellente sortie de black metal. Hein. On s'accordait à dire que ça aurait pu bénéficier limite d'un focus. Bon, après le calendrier et les sorties de grande qualité de ces derniers temps n'ont pas permis cela. Il s'agit de Pure Wrath, une sortie d'Ebemur, hein, le label français. Pure Wrath, ça nous vient d'Indonésie, c'est un one-man band, c'est du black atmo, c'est très qualitatif et plutôt prolifique, hein, actif depuis 2014, c'est le troisième album studio, Into the Woeful Earth, puis la pochette est superbe, ça fait très très très black européen, black même Europe de l'Est pour être un peu plus précis. Voilà, Pure Wrath, encore une sortie bien bien léchée, signée d'Ebemur, donc à prendre le temps d'écouter, même de se procurer. Et ensuite, Cult of Luna, qui pour le coup a bénéficié d'un spécial focus la semaine dernière. Cult of Luna, le groupe de post-metal, venu de Suède, qui sort son huitième album studio, The Long Road North. Alors on va pas se refaire toute la présentation du groupe, si vous voulez en savoir un peu plus, réécoutez-vous l'émission de la semaine dernière. Voilà, un album encore très qualitatif qui, surprend sans surprendre, cependant, en termes de qualité. Pure Wrath, on s'écoutera le titre Presages of Restless et Cult of Luna, le morceau Into the Night. Et voilà, la torture jusqu'au bout, ce nouvel extrait de l'album de Cult of Luna. Eh ben, 20h31 à la pendule de Radio Béton, vous êtes toujours à l'écoute d'Elbanger sur les ondes du 93.6. Et ma foi, ça va être l'heure d'introduire l'ami Thibaut pour parler du premier focus de ce soir. Bonsoir. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Premier focus de la soirée, on change radicalement de style, pour pas dire totalement. Corpse Grinder qui sort donc le tout premier album sous le nom Corpse Grinder, pour les quelques qui suivraient pas, au fond c'est le chanteur historique du groupe Cannibal Corpse. Alors faux? Oui, pas historique, excuse-moi. Merci. Voilà, excuse-moi, non, c'est le chanteur actuel de Cannibal Corpse. Oui. Voilà. Tu vas être chiant, je le sens. Oui. Donc premier album du groupe Corpse Grinder, album intitulé Corpse Grinder, un seul membre, Corpse Grinder. Oui, non. oui, c'est oui, un oui, seul oui. membre réel du groupe et après le ils coup sont... de Corpse Grinder. Voilà, exactement. Que dire, donc une formation guillemets en 2021, en tout cas le nom du groupe est sorti en 2021. Ouais, chanteur depuis 96 de Cannibal Corpse. Et une sortie sur le tout petit label Perseverance Media. Alors je sais pas si c'est son label, si c'est, ça avait l'air d'être un tout petit truc, parce que j'ai pas trouvé beaucoup d'infos dessus. Sortie assez intimiste, ouais. Ouais, complètement. Que dire de plus ? C'est du death metal ? Oui, mais pas que. Voilà, c'est du death metal saupoudré de hardcore qui casse des bouches, parce qu'il y a vraiment une dimension hardcore dans ce travail, et c'est vraiment ultra chouette. Il s'est entouré des frères Belmore, en fait, pour, en tout cas pour l'enregistrement, voire pour les lives, peut-être. Donc, les deux frangins Belmore, c'est les deux frangins que vous retrouvez notamment dans Disneyder, où ils font batterie, basse, guitare. Bah c'est marrant, ça. Corpse Grinder, il aurait pas fait un feat sur le dernier album de Disneyder. Ah, c'est... Est-ce que ce serait pas à ce moment-là qu'ils auraient commencé à se renifler le cul? Voilà, donc bah voilà, il y en a une belle équipe. Ouais, des mecs qui viennent de styles totalement opposés et qui se retrouvent sur un album conceptuel et d'une grande richesse et d'une grande efficacité musicale. Mmh. Ouais, ouais, le résultat, c'est genre ultra lourd, c'est groovy de ouf. Ça donne envie de danser, guillemets. Ça prend la forme d'un espèce de rouleau compresseur qui te prend dans les tripes, qui te soulève du sol. Et puis bah c'est là pour casser des culs, des nuques et un peu tout ce qui va se passer, quoi. Ouais, parce que bon, forcément Corpse Grinder, death metal, on n'est jamais trop loin de l'aura cannibale qu'il y a derrière. Mais d'autres musiciens, bon après il y a pareil, il y a Eric Rutan qui apparaît sur l'album. Ça reste Corpse Grinder, hein, donc t'as des grosses inspirations death floridien. Et cependant, des grosses inspirations, on pourrait dire du hardcore. Enfin, il y a des morceaux qui sont complètement headbreedien dans le style. Donc, c'est là où Corpse Grinder, il est peut-être un petit peu plus libre que dans Cannibal, où là, il a pu vachement intégrer d'inspiration et de satisfaction personnelle. 30 minutes, un album assez court, mais très riche, très complet. Et tu parles d'arracher tout ce qu'il y a sur le passage, l'artwork. Complètement. Enfin, tu me coupes un peu l'herbe sous le pied parce que t'as attaqué des notes que j'avais prises. Mais cette pochette, quoi. Juste Corpse Grinder en train de défoncer du zombie à main nue. Ouais, ouais, c'est absolument parfait, quoi. Le mec, il a, je sais pas, il approche les 50 balais. Ça fait 25 ans qu'il fait du gordes. Et voilà, il kiffe toujours se mettre en scène sur une pochette. Bah, un dessin, hein, littéralement, mais. Bah c'est kitsch, mais ok. Ouais, c'est le genre de truc que t'aurais pu retrouver, tu sais, avec un mec comme Jack Black ou un truc comme ça. Complètement. Ce côté mise en scène à moitié jeu vidéo, à moitié. Complètement série Z, complètement son univers, en fait. Poussé à l'extrême. Et ouais, bah pour revenir sur ce que tu disais, mais quelle liberté il a pris sur cet album. Pour revenir sur Cannibal rapidement, parce qu'on est obligé quand même de faire le parallèle. Cannibal qui sort toujours du produit de qualité, mais qui est en roue libre, entre guillemets, qui propose, sans sortir de sa zone de confort, qui propose des lives où c'est assez calibré ce qu'il propose. Et là, cette nouveauté, cette espèce de vent de fraîcheur, et c'est ça qui m'a surtout marqué sur cet album, c'est Corpse Grinder qui pond une œuvre authentique, personnelle, et qui se détache complètement, ou en tout cas en partie du projet Cannibal pour faire suffisamment. Ouais, je trouve que ça se démarque suffisamment musicalement. de Cannibal Corpse, et même vocalement, enfin, il tente des trucs. Alors, je sais pas si t'as prévu un petit créneau pour aborder vraiment l'aspect musical. Non, pas parce que c'est vrai que bon, ça reste du death metal floridien dans le style. Il y a de gros relents hardcore sur pas mal de morceaux. Il y a des séquences, comme on s'amuse à le dire, proto-slam qui vont renvoyer aux deux premiers albums de Cannibal avec ces espèces de gros down tempo qui tombent d'un coup. Je dis, mais quelle est votre intention, monsieur? Que souhaitez-vous faire avec ça? Et à côté de ça, des séquences avec un riffing ultra, ultra sombre et qui n'est pas sans rappeler le mellow black suédois. Donc, vraiment une grande richesse musicale. Et je trouve que Cannibal, bah voilà, il s'est vraiment bien. Cannibal, pardon, lapsus. Corpse Grinder s'est vraiment bien entouré avec les deux icônes qu'il est allé taxer à Dee Snider, parce qu'ils ont vraiment très, très bien retranscrit ses kiffs musicaux, quoi. Ouais, bah voilà, bah t'as un peu résumé, ouais, le ressenti que j'ai eu sur l'album aussi. On se balance un morceau, on débrief après sur tout ça. Mais oui. Ce soir, donc, j'ai choisi moi le morceau On Winds Carnage. C'est juste le morceau que j'ai préféré sur l'album. Une grosse descente de tempo à un moment, et puis dans l'ensemble, c'est assez représentatif de ce que tu vas trouver sur l'album, tout simplement. Et c'est parti! Savage woes with desire. Voilà, il a un logo inspiré de la typo de Machete. Il a un cou et un corps monté autour. Il s'appelle Corpse Grinder. Et au début de ce morceau, on a entendu Morbid Angel. Ouais, non, mais c'était parfait. Hein. Franchement, ce départ, ouais, juste Morbid Angel. C'est ah, cool. Vraiment, ce Evil Death de la fin des années 80, début des années 90 aux États-Unis. Enfin, voilà, un échantillon hautement qualitatif de ce premier album studio Corpse Grinder. Vivement la suite. Ouais, peut-être en live, qui sait. Bah, ce serait vraiment avec fort grand plaisir, oui, de voir le bonhomme avec d'autres Zikos, voir comment il se comporte du coup sur scène en jouant du Corpse Grinder et non pas du Cannibal. Mais c'est vrai qu'on en parlait en off ces derniers temps. Enfin, Corpse Grinder, pendant 25 ans, ça a été Cannibal. Avant, c'était Monstrosity. Il y a eu une entorse quand il a fait Serpent Dominion. Et récemment, il a fait un feat avec Igor, il a fait un feat avec Dee Snider, et plus récemment, là, dans la semaine, on l'a retrouvé en feat, avec d'où Terror, son amour ouais. Du hardcore ricain, sur le nouveau single de Terror. Mmh. Voilà. J'ai pas pris le temps de l'écouter, pour le coup, mais je suis assez curieux de voir ce que ça peut valoir avec Terror. Quoi. C'est pas très sympa. Ouais, j'imagine bien. Voilà, bah, je te laisse le mot de la fin pour ce premier focus ce soir. Non, bah allez écouter l'album, juste ça. Écoutez-le, procurez-le. La suite de la diff avec Death Hammer, Electric Warfare, c'est une nouveauté. Electric Warfare, c'était le nom de l'album. Death Hammer, qu'est-ce que c'est? Ça vient de Norvège, c'est du speed trash, c'est du true heavy speed trash, un peu blackisant. C'est clairement inspiré de la première vague du black à la sauce Venom et autres Hellhammer. Les premiers Sodom, etc. La pochette est absolument à chier et parfaite à la fois. Voilà, Death Hammer, une nouveauté pour ce soir. On s'écouterait le titre Enter the Morbid. Et dans la foulée, Spirits of Fire, ce all-star band du heavy international avec notamment Fabio Lione à la voix. C'est le second album studio, Embrace the Unknown. Ça va permettre de respirer un petit peu après cette bonne petite doublette Corpse Grinder Death Hammer. Spirits of Fire, on s'écoutera le titre Wildest Dreams. C'est parti. We'll be right back. On continue avec une doublette de nouveautés et une doublette 100% féminine. Alors, je dis bien 100% féminine, parce que, en fait, le premier groupe qu'on va s'écouter, c'est un full line-up féminin. Pour le coup, elles sont 4. Et le second groupe, c'est un full line-up féminin et, pour le coup, elle est une. Donc, bon, voilà, il n'y a pas trop de... Voilà, difficulté. On commence avec Convent, j'avoue que je ne sais pas trop comment le prononcer, groupe de Death Doom qui nous vient du Danemark, de Copenhague exactement. Un groupe en pleine hype à l'heure actuelle, elles sortent là leur second album studio, Call Down the Sun. Est-ce que j'ai le droit de dire ce qu'on se dit en antenne? C'est le Doom Death avec le Doom sans le Death. On n'est pas sur le Doom Death d'un Asphyx. Cependant, la chanteuse, elle arrache bien comme il faut. Mais c'est le Doom un peu trop monotone à mon goût pour que ça m'accroche vraiment. Donc voilà, c'est vraiment affaire de goût. Une signature, cependant, Napalm Records avec ce nouvel album. Ce qui permet du coup la visibilité bien mise en avant pour cette formation danoise. Et en doublette avec Convent, on colle 200% à l'actu puisque... Sidus Atrum, c'est la suite. Alors là, on est dans l'underground de l'underground. On est sur du Blackening Death, un peu doomisant hein, dans les ambiances très très sombres. C'est un one woman band originaire de Kiev en Ukraine. Donc voilà, on est vraiment baigné dans l'actu. Sidus Atrum, donc premier album studio, parce que je crois qu'il y avait eu un EP ou une démo. Deuxième album, pardon. qui voit le jour bah, là. Spiral of Life, donc là on est vraiment dans l'underground Cali cependant. Call Down the Sun de Convent, on s'écoutera le titre Pip Dreams et Sidus Atrum, on s'écoutera le titre Breath of Agony, et c'est parti. Move your mood, do the rules. My mind. Time.